armée d'une égale fureur paraissait animée. On allait en venir aux mains. Entre les deux parties, sous la tuile s'avance. On s'arrête, on l'entoure. On écoute en silence. Alba, dit-il, et vous, écoutez-moi, Romain. Dieu, quelle fureur sont les nôtres. Je vois à notre aspect la nature frémir. Je vois à notre aspect la nature frémir. Deviens mon fils en recevant sa main. Mon père! Tu le peux sans hasarder ma gloire. Soit que Rome triomphe ou qu'Albe ait la victoire. Le vaincu du vainqueur reconnaîtra les lois sans honte, sans tribu servile. Et nos états unis par choix ne seront qu'un empire et qu'un peuple en devine.